Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes le 20 août 2018. Voici les grands titres de cette grande édition de cette mi-journée. Les conditions exigées pour obtenir une place à l'école fondamentale dite au quartier de Moussaga sentent la corruption, selon les parents qui affirment que la direction leur demande de payer l'équivalent d'un ou de deux sacs de ciment ou de la porter en nature. Ni la direction de l'école ni le président du comité des parents ne donnent d'explication claire à ce sujet. C'est un reportage que vous suivrez dans ce journal. Et le directeur des affaires juridiques et gestion des contentieux à l'Office burundais des recettes OBR reconnaît certaines lacunes fiscales dues à une interprétation divergente des lois entre les avocats de l'État et les magistrats. Vous entendrez ces explications. Du sport, avec cette grogne de certains entraîneurs et compétiteurs burundais qui participent au tournoi de l'EAC qui se déroule au Burundi. Comme quoi les autres pays n'ont pas respecté le critère d'âge, ce qui probablement expliquerait la défaite cuisante de l'équipe nationale féminine de netball qui s'est inclinée face à l'équipe tanzanienne par un score fleuve de 79 buts à 14. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. L'Office burundais des recettes OBR a débuté ce lundi une formation à l'intention des magistrats et des avocats de l'État œuvrant à cet office. Lors de l'ouverture de ses activités, Maître Stanislas Nimagaritse, directeur des affaires juridiques et gestion des contentieux à l'OBR, a reconnu que certaines lois, dont celles relatives aux procédures fiscales, celles portant réforme de la fiscalité communale et la loi portant fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2018-2019, sont des lois non consensuelles entre les avocats de l'État et les magistrats, ce qui serait à l'origine des lacunes qui s'observent en matière fiscale. Suivez-le. Je dois d'abord revenir sur l'idée qui a été à l'origine de l'organisation de cet atelier. Eh bien, on a constaté qu'il y avait des divergences de points de vue sur l'interprétation et l'application de certaines lois. Trois lois d'ailleurs. C'est la loi portant réforme de la fiscalité communale de 2016. Et c'est la loi aussi sur les procédures fiscales de 2013. Et la loi portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2018-2019. Eh bien, on a constaté qu'il y avait des divergences sur l'interprétation, sur l'application. Et on s'est dit que peut-être ces divergences sont dues d'une certaine manière à une connaissance peut-être qui n'est pas approfondie en ces matières-là. On a constaté aussi qu'il y avait un retard dans le traitement de ces dossiers. Et c'est pour cette raison que l'OBR, en collaboration avec le ministère de la Justice, a organisé cet atelier en vue d'abord de l'harmonisation, de l'interprétation et de l'application de ces trois lois. C'est aussi le renforcement des capacités de ces différents acteurs. Il va de soi qu'on vise la célérité dans le traitement de ces dossiers et on vise aussi la qualité des arrêts qui sont rendus par ces magistrats, qui sont rendus par les cours où ces magistrats prestent habituellement et quotidiennement. Bien évidemment, il y a eu des dossiers qui ont été traités par le passé, qui ont été traités et qu'à la fin, on a constaté que ces dossiers avaient été maltraités et que la loi n'avait pas été bien appliquée. C'est pour cette raison que cette formation a été organisée. C'était Maître Stanislas Nimagaritse, directeur des affaires juridiques et gestion des contentieux à l'Office burundais des recettes OBR. Je vous l'avais dit, les parents qui désirent des places pour leurs enfants à l'école fondamentale dite au quartier de Moussaga se plaignent contre les exigences de la direction scolaire. Ils affirment en effet qu'ils sont obligés de donner un ou deux sacs de ciment ou l'équivalent en argent. Ni la direction de l'école ni le président du comité des parents, personne ne donne d'explication claire comme vous l'entendrez dans ce reportage de Mireille Naomi Nitegeka où les parents demandent que de telles conditions soient supprimées. Cette école dite ce quartier se trouve à la 18e avenue de Kinanira en zone Moussaga. Un parent qui s'est confié à la radio Isanganiro affirme que l'obtention de la place est monnayée. Si tu vas lui demander de la place sans les 25 000 francs burundais, elle ne te reçoit pas. Et si tu lui demandes un reçu, elle ne te donne pas. Elle dit que c'est un consensus d'une réunion qui a eu lieu. Entre qui et qui, moi je ne sais pas. La directrice te dit simplement « va ». Quand tu auras l'argent, tu reviendras. La directrice de l'école n'a pas voulu s'exprimer sur notre micro et dit simplement que la décision est venue d'un consensus entre l'école et les parents. Pour sa part, le président du comité des parents, Pacheli Idzongidza, indique avoir eu le rapport d'une réunion qui aurait rassemblé près de 50 personnes qui ont décidé d'appuyer l'école en ce sens. Les parents se sont convenus de contribuer juste sur les moyens, sans toutefois les exiger une somme maximale ou minimum à contribuer. Seulement, on s'est convenu de donner ce qu'on peut. Là, je dirais que c'est conformément à la loi. Monsieur Idzongidza affirme cependant qu'il n'était pas au courant de tout. Il compte rencontrer dans l'urgence tous les concernés en vue de se pencher sur les lamentations des parents. C'est peut-être en anglais, d'entendre que c'est une obligation de contribuer juste pour la réparation ou l'entretien de ces infrastructures. Là, je dirais peut-être que c'est un clin d'œil qu'on devrait faire aux responsables de cette école de se ressaisir dans l'immédiat, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Comme je l'ai vu, je l'ai lu dans le procès verbal, on a dit que c'est aux parents qui peuvent de contribuer à leurs moyens, sans toutefois les exiger quoi que ce soit. Pour un enfant venu d'ailleurs, la direction exige un ou deux sacs de ciment selon le degré d'enseignement pour les enfants venus d'ailleurs. L'ordonnance ministérielle de juillet dernier appelle les responsables scolaires à ne rien exiger pour les parents qui demandent des places pour leurs enfants. Mireille, Naomi, éducation toujours avec le ministre de l'Éducation qui annonce que le test donnant accès à l'enseignement fondamental dans les écoles d'excellence sera fait ce jeudi 23 août. La ministre Geneviève Ndilahisha rappelle que les écoliers devront se présenter en uniforme scolaire avec une coiffure réduite au minimum de cheveux. Ces candidats devront également se munir de bulletins dûment authentifiés par les directeurs de leurs établissements d'origine qui devront aussi les tenir informés des lieux de passation de cette épreuve. Et puis, dans ce journal, également, le projet de décret portant modalités de rétention, suspension et de retrait du permis de conduire a été analysé et adopté par le Conseil des ministres qui s'est tenu vendredi de la semaine dernière. Dans un communiqué du gouvernement lu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba, a affirmé que malgré la promulgation en 2012 de la loi portant code de la circulation routière, les accidents n'ont pas diminué, certaines de ces dispositions posant des confusions dans leur application. Suivez Philippe Nzobonariba. Depuis la promulgation de la loi portant code de la circulation routière au mois de décembre 2012, il y avait espoir que les accidents de roulage allaient beaucoup diminuer au regard de certaines dispositions relatives à la circulation routière et aux sanctions applicables aux contrevenants à cette loi. Malheureusement, cela n'a pas été le cas et le constat est que les incidents de roulage ont comme cause essentielle l'excès de vitesse, le mauvais ou excès de chargement, l'ivresse, la drogue et autres. C'est dans ce cadre qu'il est initié des mesures d'application du code de la circulation routière et ces mesures peuvent aller de la rétention du permis de conduire jusqu'à son retrait définitif suivant la gravité et la fréquence des infractions de la part du titulaire. Ce projet avait été analysé antérieurement par le Conseil des ministres lors de sa séance du 25 janvier 2018 et avait été retourné pour enrichissement. Après analyse du projet au travail, le Conseil l'a adopté. Dans ce Conseil des ministres, le gouvernement a également adopté une note à travers laquelle il met en garde les fonctionnaires de l'État qui se permettent de participer aux réunions organisées dans le cadre de la communauté est-africaine sans ordre de mission du gouvernement et qui donc s'exposent désormais à des sanctions sévères. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement a également fait remarquer une certaine lenteur de la mise en exécution des décisions et recommandations importantes issues des différentes réunions organisées dans le cadre de l'EAC. Encore une fois, Philippe Nzobonariba. Le secrétariat général de la communauté est-africaine organise régulièrement des réunions auxquelles participent les cadres, les ministres et au cours desquelles des décisions et des recommandations importantes sont prises. Le constat est que des fois leur mise en application va au ralenti. C'est dans ce cadre que des réunions ont été organisées à l'intention de tous les ministères afin de proposer des stratégies pour accélérer la mise en œuvre des décisions et recommandations prises dans le cadre de l'intégration effective à la communauté. La note contient donc des stratégies adoptées en vue de bien préparer les réunions organisées par la communauté et surtout de participer dans ces réunions avec la position pays à défendre lors des débats en réunion statutaire face à une décision quelconque. Le Conseil a pris bonne note des propositions de la note et a demandé que le ministère de la Présidence chargé des affaires de la communauté est-africaine soit la seule courroie de transmission entre le secrétariat général de la communauté est-africaine et le gouvernement du Burundi. Il a été en outre recommandé de prendre des mesures sévères à l'endroit des fonctionnaires qui se permet de participer dans des réunions organisées dans le cadre de la communauté sans ordre de mission officielle. C'était le secrétaire général du gouvernement, Philippe Nzobonariba. 5 élèves finalistes à l'Institut technique agricole du Burundi, ITAP Karusi, sur plus de 140 élèves qui venaient de passer l'examen d'état édition 2018, sont sous les verrous depuis le 10 août. Une information confirmée par les responsables de l'éducation dans cette province. Le procureur général de la République à Karusi précise que ces 5 élèves finalistes sont accusés d'avoir tenté de saboter les travaux de passation de cet examen d'état. Placide Niomongere pour plus de détails. Selon les informations en provenance du chef-lieu de la province Karusi, tout a commencé dans la nuit du 8 août vers 19h. Après la coupure de l'électricité dans les enceintes de l'Itabou, une école sans groupe électrogène. Le centre qui était implanté au sein de cette école étant dans le noir, un groupe de candidats à l'examen d'état ici de l'Itabou et d'autres en provenance des 6 écoles environnantes ont versé une quantité de nourriture. Tout à coup, une réunion des responsables de ce centre a été tenue pour identifier les auteurs. Selon ces informations, les élèves finalistes qui ont été interrogés n'ont pas pu révéler le secret. En date du 10 août, une autre réunion qui serait présidée par le gouverneur de la province de Karusi a décidé de mettre en prison les 5 représentants des autres. Selon nos sources, cette réunion aurait également décidé de ne pas octroyer les diplômes de fin d'études à tous les 148 élèves finalistes issus de 4 sections de l'Itabou tant qu'ils ne donnaient pas les noms des auteurs, une décision que le directeur de l'enseignement communal ne reconnaît pas. Pour lui, il s'agissait d'une façon de mener des enquêtes. Contacté à ce sujet, le gouverneur de la province de Karusi, Kanini Barushimana, et nous a dit qu'en plus d'être occupé, il n'a pas à dire de plus sur ce dossier. Cependant, le procureur général de la République a indiqué à la Radio Sanganiro que le dossier de ces 5 élèves se trouve pour le moment au niveau du parquet et que ces élèves sont accusés d'avoir tenté de saboter les travaux de passation de l'examen d'état qui se déroulait à cet institut technique agricole Itabou. Placide Niomongere, toujours dans les nouvelles des provinces. L'administrateur communal de Bururi a destitué de ses fonctions le chef collinaire de Kirem Barirar. Entre autres accusations portées contre Daniel Mbazumutima, le non-respect de la visite du président de la République récemment effectuée dans cette commune, l'accusé parle de mensonge pour des visées inavouées. Jean-Pierre Misago. Dans la lettre de sa destitution à la tête de la colline Kirembarirar, lui parvenu ce 18 août courant, Mbazumutima Daniel, alias Vidani, est accusé par l'administrateur communal de Bururi, signataire de cette décision de non-respect de la visite du président de la République récemment effectuée dans cette commune. Par ailleurs, ce chef collinaire ne se soucie pas des travaux communautaires et s'absente de façon répétitive dans des réunions de sécurité, avant d'ajouter dans cette lettre qu'il désobéit et sous-estime l'autorité zonale. Sur ce, Mbazumutima Daniel dit avoir des témoins qu'il a mobilisé sa population comme convenu lors de cette visite et les listes de présence dans les dites réunions de sécurité peuvent prouver le contraire. Par ailleurs, il dit n'avoir jamais eu de demande d'explication pour insubordination à son chef zonal avant de conclure qu'il va saisir le conseil communal de Bururi pour le rétablir dans ses droits. Contacté pour savoir qu'il est compétent à prendre cette mesure et fournir des éclaircissements sur ses accusations, Nelson Nijimbere, administrateur communal de Bururi, dit qu'il n'ajoute rien au contenu de cette lettre qu'il a lui-même signée. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Toujours dans les nouvelles des provinces, plus de 2 milliards de francs burundais seront injectés dans le secteur café en province Ngozi et en faveur des caféiculteurs ayant vendu leurs produits à la Sogestal Ngozi. Au terme d'une mission effectuée ce week-end en Ngozi par une commission mise en place par le gouvernement pour évaluer la valeur des entrepôts et stations de lavage que la Sogestal Ngozi envisageait vendre, le gouvernement a accepté le décaissement de cette somme afin que ces biens rentrent dans le patrimoine de l'État. Et puis, la journée de ce mardi 21 août sera chômée et payée en raison de la fête du mouton Idil Hajj. Le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi l'a annoncé aux employeurs et aux travailleurs dans un communiqué rendu public et parvenu à notre rédaction. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Du sport, pour terminer ce journal, certains entraîneurs et compétiteurs burundais qui participent au tournoi de l'EAC qui se déroule au Burundi s'indignent que les autres pays n'aient pas respecté le critère d'âge. Au sein du ministère de la Culture et des Sports, l'on affirme que les pays voisins ne se sont pas conformés au règlement du dit tournoi. Laurent Zeimana, directeur général du sport d'élite au sein de son ministère, promet que dans les éditions ultérieures, des réunions seront tenues pour faire respecter le règlement. Les détails avec Evariste Nzikobanyanga. Après que l'équipe nationale burundaise féminine de netball qu'il entraîne ait été battue par la sélection tanzanienne ce dimanche sur le score de 79 à 14, l'entraîneur Evariste Nakarutimana s'indigne que le règlement du tournoi de l'EAC est violé par les pays voisins. Cet entraîneur burundais explique que de son côté, il a respecté le critère d'âge, ce qui n'est pas le cas pour les équipes visiteuses. Vous l'avez constaté vous-même que quand on était sur terrain, l'on a joué avec les plus âgés. C'est au moment où le comité d'organisation nous a intimé l'ordre de sélectionner les moins de 21 ans. Comme vous l'avez vu, nous avons respecté ce critère d'âge. Malgré cela, la Tanzanie a amené des mamans, la première raison de notre défaite. Deuxièmement, nous ne nous sommes pas bien préparés car les joueuses provenaient de différents quartiers et cela pendant 2 semaines. Tantôt, ils arrivaient au lieu d'entraînement tardivement, tantôt, ils s'absentaient. Quand les joueuses ne sont pas dans un même lieu de rassemblement, il est difficile de remporter le match. Du côté du ministère de la Culture et des Sports, l'on confirme les faits. Selon le directeur général des sports d'élite, l'on a laissé ses équipes qui ont aligné les joueurs les plus âgés pour renforcer la communauté. Laurent Zeimana explique que dans l'avenir, il faudra veiller quitte à ce que le règlement soit respecté. Il faudra alors peaufiner le règlement des jeux pour que soit on laisse de côté le critère âge, soit carrément on en tienne compte pour que tous les participants se sentent dans les mêmes conditions et ainsi jouer dans les mêmes conditions valide aussi la victoire de l'une ou l'autre équipe durant le match. Donc vous dire que c'est question de règlement, mais aussi c'est question d'objectif qui est vraiment l'intégration dans la communauté est-africaine. Sur 12 jeux qui étaient prévus dans cette première édition du tournoi de l'EAC qui se déroule au Burundi, 8 seulement sont en train d'être joués. 4 jeux n'ayant pas trouvé des équipes compétitrices car certains pays n'en ont pas amené. Evariste Nzikobanyanga, c'est sur ces nouvelles sportives que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Jimmy Ndayiteho pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana, un bon après-midi.